Chapitre 8. Valsemer descend dans sa rue. Que vous avais-je dit, ma chère madame? J'aurais fait un bon juge d'instruction, n'est-ce pas? Par déduction, on arrive à savoir bien des choses, car tout se tient. Je ne sors pas de là. Le mercier Mignet, que madame Desnoux avait fait venir en grande hâte, était enchanté. Ah, cette coquine, elle est punie par où elle a péché. C'est le petit Laplace qui la vend, son complice. Mais si vous m'en croyez, nous allons la faire arrêter. C'est l'ami Desnoux qui va être content. Certainement, mon mari n'est pas méchant, mais il est sans pitié pour les voleurs. On frappa à la porte de la salle à manger, où il se trouvait, et le pharmacien Varin entra. Eh bien, qu'est-ce que j'ai donc appris, madame? Mignet avait raison. Mais comment savez-vous? Comment? Tout le monde le sait à Valsemer. Votre vieille bonne est venue me le dire, la mienne l'a dit à celle des pigeons. Ces garçons l'ont répété au petit clerc. Ça va son train. Alors, s'écria Mignet, nous n'avons pas un instant à perdre. Allons prévenir le brigadier. Il va faire une perquisition, si la voleuse n'avoue pas du premier coup. Vous venez avec moi, Varin? Les deux hommes sortis, l'abbé Cardine entra. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, madame. Et mon cher Desnoux est-il ici? Non, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Parce que je suis forcé de confier à des amis une commission peu agréable pour eux. Laquelle donc? Comment, vous ne savez pas? On a retrouvé mon pantalon chez une de mes lessivières. Monsieur Mignet et monsieur Varin sont partis chercher les gendarmes pour la faire arrêter. L'abbé Cardine soupira profondément. Qu'avez-vous fait là, mon Dieu? Le bon Mignet est fou. Il est bien malheureux que votre mari ne soit pas là, en effet, car il n'aurait jamais eu l'idée de faire arrêter cette femme. Vous croyez, mais pourtant... Songez donc, la femme arrêtée, on va la conduire en prison, puis la juger. Vous allez être forcé d'aller déposer au tribunal. Comme tout cela est ennuyeux. Je sais bien que vous tenez beaucoup à cet objet. C'est un moyen de vous le faire rendre. Mais la relique est un peu profanée. Vous n'oserez plus vous en servir après qu'il a été porté ce pantalon par... Madame Desnoux pâlit. Elle n'avait pas songé à cela. Le curé reprit. Enfin, il vaut mieux qu'il soit entre vos mains. Voulez-vous un conseil? Faites pour lui comme pour les choses sacrées qui ont été souillées. Brûlez-le quand on vous l'aura rendu. Au revoir, ma chère madame. Et l'abbé Cardine, avec un sourire sur les lèvres, eut à traverser pour rentrer au presbytère la place de la Fontaine où des groupes stationnaient. Toutes les femmes avaient besoin d'eau pour leur ménage. Elles étaient une quinzaine. « Je m'en étais bien douté, disait l'une, cette Jeanne qui était allée à Paris, c'était louche. Comme de juste, celui qui vient et qui revient. Parbleu, si ça ne fait pas pitié. Et jamais aux offices, ça vit comme un chien, c'est pas étonnant. Mais comment que madame Desnoux a su que c'était elle? Tiens, c'est vrai, on n'en connaît rien. Mais si, c'est monsieur Mignet qui l'a dit, puisque c'est lui qui est avec les gendarmes. Tiens, madame Laplace. » Une femme d'une quarantaine d'années, très grosse et en toilette fort négligée, tête nue s'approcha. « Vous n'avez pas vu passer mon gamin ?»« Que oui, il a traversé la rue, il n'y a pas une heure. » Figurez-vous que son père le cherche sans mettre la main dessus. Elle n'osait pas dire à la brave femme qu'elle était très inquiète. Ayant trouvé le lit de son garçon à peine défait, une fenêtre ouverte, elle avait compris que le gamin avait découché. Le père Laplace était furieux. « Oh, les enfants, avait-il dit ?» Ça vous abrège la vie. Il allait être 10 heures et le gardement n'était pas encore rentré. Ce que venaient de lui dire les femmes avait rassuré la mère. De quel côté allait-il? Je l'ai vu entrer chez monsieur Desnoux, dit l'une des commères. Madame Laplace était bien surprise. Son garçon chez le notaire, pourquoi faire? La curiosité l'a pris. Malgré une retenue inspirée par la crainte d'entrer, sans motif très sérieux, chez une dame d'une position supérieure à la sienne, et à mi-voix, elle dit « Je voudrais bien aller demander ce qu'il faisait là. »« Allez-y, pas fière pour un sou, la bonne dame. Et puis, en ce moment, elle doit être bien contente. Pourquoi ? Vous ne savez pas qu'elle a retrouvé son pantalon ? C'était la Jeanne qui le lui avait pris. » Madame Laplace se dirigea vers la maison du notaire, pendant que les femmes disaient « Restons là, nous allons bientôt voir les gendarmes l'emmener, la coquine. » Et l'épicier Pigeon, debout sur le seuil de sa porte, les regardait en leur criant « Oh, les femmes, comme c'est curieux !» À ce trait d'esprit, elles se mirent à rire bruyamment. Madame Laplace était entrée dans l'étude de Monsieur Desnoux. « Pardon, madame, vous n'avez pas vu mon garçon, à ce qu'on m'a dit ?»« Mais si, j'ai vu le petit ce matin même, il m'a bien servi. C'est lui qui m'a appris que mon pantalon était chez la blanchisseuse. »« Lui, fit sa mère ? Comment le savait-il ? » Madame Desnoux rougit, comme d'habitude, à toute question, effleurant un chapitre brûlant. « Je suis bien contente que vous l'appreniez. Aussi, je vais vous le dire, ma bonne dame. Votre petit l'a vu se déshabiller. C'est donc qu'elle l'avait débauché, cette gueuse. Veillez-y. » Ces paroles éclairèrent complètement Madame Laplace sur la situation. Le gamin avait passé la nuit chez cette voleuse. Sans remercier même Madame Desnoux, elle sortit en courant et arriva, rouge et suffoquant de colère, auprès de la fontaine. « Ah, la gueuse, vous ne savez pas ? Elle m'avait volé mon garçon. Je viens de savoir ça. Elle l'avait débauché, la fille. Je le cherchais tout à l'heure. C'est parce qu'il n'était pas rentré cette nuit ni ce matin. Il avait couché chez elle. » Une catin et une voleuse. » Ces paroles, jetées avec rage à la face des commères, produisirent un effet foudroyant. Les boutiquiers sur le devant de leurs portes, attirés par les cris et les clameurs, arrivaient en courant. Des paroles indignées s'échangeaient avec le récit répété et grossi de Madame Laplace. « La gueuse, la gueuse !» On disait déjà, à l'extrémité du bourg, que Madame Laplace cherchait son garçon depuis la veille, et qu'on l'avait trouvé mort dans la chambre de Jeanne. Mais la coquine était arrêtée. « La voilà, la voilà !» À ce cri, la foule se porta vers le cortège, qui s'avançait sur la route. En tête, Mignet, le mercier, Évarin le pharmacien. Un brigadier les suivait, sabre au poing, puis Jeanne, les poignets attachés, entre deux gendarmes, s'avançait, souriante et comme glorieuse, de cette curiosité soulevée. Mais la mère de la place et le groupe de commères arrivèrent. Et des poings tendus, des yeux braqués, des cris injurieux montaient une telle haine que Varin, ne comprenant rien, dit au brigadier « Prenez garde, ils vont la tuer, et pour un pantalon !»« Catin, catin, gueuse, coquine !» Jeanne, étonnée, leva la tête et regarda ces imbéciles qu'elle tint en respect par la puissance de son regard jusqu'au moment où, arrivée à la gendarmerie, elle fut enfin débarrassée de ses cordes et enfermée dans une petite voiture qui prit le trot vers Pont-l'Évêque, où on la conduisait en prison. Varin et Mignet sortirent. Quelques personnes les interrogèrent pour savoir ce qu'on avait trouvé chez Jeanne, mais ils répondirent « Vous verrez ça quand on la jugera. » Madame Desnoux les attendait impatiemment. « Eh bien, elle est arrêtée ?»« Oui, elle a été admirable, cette coquine, » fit Mignet, qui décidément prenait intérêt à cette affaire. Elle a été arrêtée sans résistance. Nous sommes arrivés avec le brigadier et les deux gendarmes. Elle nous a demandé ce que nous voulions. J'ai répondu le pantalon de Madame Desnoux. Et elle a dit, est-ce Monsieur Desnoux qui vous envoie ? Je l'ai informé que Monsieur Desnoux serait venu lui-même s'il avait été à Valsemé, et que nous étions là à sa place en qualité d'amis. Elle est très distinguée au fond, cette lessivière. Nous sommes entrés. « Messieurs, a-t-elle dit, je reconnais que j'ai volé le pantalon, je l'avoue. Mais je ne vous dirai pas où il est. Inutile de faire une perquisition, vous ne trouveriez rien. Puisque je le répète, j'avoue, cela doit suffire. » Pensant inutile de faire des recherches, d'ailleurs le temps pressait, le brigadier a pris alors la parole. « Je vous arrête au nom de la loi. »« Ah bah, laissez-moi embrasser papa et je suis à vous. » Elle court en ce moment vers Pont-l'Évêque. « Attendez-vous bientôt à ce qu'elle passe en jugement. »« Au revoir, mes chers amis, et merci. »« Matin, » dit Mignet à Varin lorsqu'ils furent sortis, « est-ce une gaillarde, hein ?»« Oui, » dit Varin. « Quand elle regardait les femmes qui l'injuriaient, elle m'a rappelé Marie-Antoinette allant à l'échafaud. » La rue du Valsemé était en mouvement. De boutique en boutique, on allait commentant l'événement. « C'est ça qui sera mieux à voir jugé, hein ? Mais vous savez bien que le petit Laplace n'est pas rentré chez son père. » C'est lui le gamin qui l'a dénoncé. Vous viendriez à Pont-l'Évêque ? Madame Laplace cherchait toujours son fils. Les trois cabarets de Valsemé étaient pleins de consommateurs, et même on profita de la circonstance, puisque la journée était perdue, pour jouer aux boules sur la place de la Fontaine, ce qui, depuis 10 ans, n'était jamais arrivé un lundi à Valsemé.